des nos âmes. Dans ce bungalow qui danse sur les larmes des dieux, les étoiles de la nuit ont entendu soupirer comme des frissons dans les entrailles de l'éternité. C'est un rêve qui se révèle et l'air me chante: je t'aime, je t'aime, je t'aime, I love you so. Le soleil s'est réveillé dans les bras du ciel. Dans l'océan de tes yeux, je vois un arc-en-ciel. Je me noie dans ton miel. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Des vents, les mamelles de l'univers allaitent le temps. Et tu seras la mère de mes enfants. Oui, tu seras la mère de mes enfants. Et tu seras la mère de mes enfants. Le soleil s'est réveillé dans les bras du ciel. Le soleil s'est réveillé dans les bras du ciel. Le soleil s'est réveillé dans les ailes du ciel. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Le soleil s'est réveillé dans les bras du ciel. Le soleil s'est réveillé dans les ailes du ciel.